Stéphane Laroche. Stéphane Laroche. Yeah. Jusqu'à Disco sur Galaxy avec le fameux Morumbi, fréquence 95.3, là où se tourne très agréable journée peut-être qui ne fait que démarrer pour vous. Notez-le ce dimanche dans les meilleurs endroits, en l'occurrence par exemple du côté du Zoo Club, le rendez-vous MCW Closing Party avec Thomas et Cédric, The Bout People, en privé en cadeau. À bon entendeur, salut. Si vous souhaitez décrocher des passes valables pour les meilleurs endroits, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous composez le 03 20 83 57 deux fois. Bienvenue dans le monde plus beau, dans le monde nouveau, celui de Galaxy Radio, avec l'excellente Axwell Submariner. C'est la demi de l'heure direction la formation culturelle de proximité, avec les Lofofora pour la France, Black Bomba pour la France ou encore Chamat. En concert, ce sera ce dimanche 30 mars 16h, direction le centre socio-éducatif de Waterloo. Le meilleur de la scène rock hexagonale sur fond de musique punk et métal, c'est à ne pas manquer. Billetterie et renseignement, office de tourisme 03 20 75 85 86. Pour en savoir plus, allez surfer sur www.lofofora.com. Autre rendez-vous incontournable, cette exposition baptisée Repasser Loussa, c'est à découvrir actuellement jusqu'au 26 avril. Direction le musée des arts et traditions populaires de Waterloo, avec donc évidemment les origines du fer à repasser, datant du 14e siècle jusqu'à l'évolution technique de nos jours. Un univers que vous découvrirez surprenant, qui vous permettra même de voyager à travers le monde et les diverses civilisations. C'est comme ça et pas autrement. Entrée libre, 03 20 80 59 50. Une exposition permanente à découvrir jusqu'au 2 février de l'année 2009, ça va de soi, ce sera au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Vivant pour de vrai, c'est son nom, qui propose aux enfants de découvrir par eux-mêmes les multiples critères qui définissent le concept du vivant par le biais de l'expérimentation, de la réflexion et de l'échange. Plus d'infos sur forumdépartementaldessciences.fr. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. I'm so sweet. I know you're hungry. I know you. encore de bonne musique garantie. Attention, c'est un hit monstrueux de demain. Déjà un hit sur Galaxy grâce à vous. Alain versus Amy, White House dans Rehab, Villabelle, Paradisco. Nous vous souhaitons la bienvenue si vous venez nous rejoindre. En clair, une très agréable matinée, une bonne nouvelle pour tous les fans de rock. Pierre qui roule, Pierre qui revient. Selon le mag Le Figaro, et bien le magazine Rolling Stones en français, disparu, vous le savez peut-être, l'an dernier, ferait son retour en avril avec un hors-série sur mai 68. Voilà une bonne nouvelle pour tous les fans. Radio Galaxy New. La suite tout en musique, c'est l'ami John Dalbach avec Hustle Up. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, des suggestions à faire ou des communiqués à diffuser, le mail de Galaxy c'est info@galaxyfm.com. Petite Dame. Vous aviez reconnu le fameux techno vocal fréquence 95-30 signé Marc Houl. Dans une poignée de secondes, direction les news, les nouveautés seulement rien que, juste sur Galaxy avec, tiens, une pointure de la scène électronique. Vous connaissez bien l'ami Dani Tenaglia, c'est le retour, c'est Button Ivy 2008, juste après le top horaire que je vous donne maintenant. Galaxy. Don't stop music. Les fans auront peut-être reconnu la griffe de Popov dans Alcoolique sur la fréquence 95-30. C'est un bel extrait du dernier triple volume en date, Solid Sound 2008.1, très exactement. Nous vous souhaitons une bien agréable journée. Tout le staff, toute la Team Galaxy vous souhaite une belle journée intergalactique faite de bonne musique. Nous vous rappelons qu'à tout moment et sur simple appel au 03 20 83 5 7 2 fois, vous obtenez des passes pour le week-end à venir. Bush, Bliss, Cherry Moon, Escape Concept, H2O, Pulse Factory ou encore bien sûr le Zoo. À bon entendeur, salut. Sachez que très régulièrement, j'y costement du côté du Zoo Club. Il a le concept iFiesta avec entre autres bien sûr Serum, Romanes, Arnaud et Ludo. Ça c'est pour la team du samedi soir. Que par exemple, si vous optez pour le vendredi soir du côté de l'H2O ou Arc-Pompec Belgique, c'est le Café Concept avec Ghost, Dalice, Fred Hush et Big Ben. Quatre résidents pour deux salles. Deux grands moments incontournables à ne pas manquer. Les autres, galaxyfm.com, rubrique Info Soirée Galaxy. It's time for house. Des nouveautés, des news comme si l'on pleuvait avec Style of Eyes. À découvrir, c'est Hyde du label Dirty Birds Recordings. certains l'auront connu indubitablement. L'ami Plastic Man sur Galaxy avec Spatik sur la fréquence 95-30. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous avons des nouvelles de la belle Émilie Dequesne à vous donner. La comédienne n'est pas passionnée uniquement par les arts dramatiques et non, preuve en est, avec l'interview accordée récemment par l'actrice au Figaro Madame, je cite, « Je suis devenue une véritable aficionada du poker. Comme une sportive de haut niveau, je me mets en condition physique et mentale à l'approche du week-end. » Bref, celle qui souhaite jouer, vous le savez sans doute, aux côtés des plus grandes stars, s'explique. « Mon rêve est avant tout de disputer le World Poker Tour à Las Vegas et de devenir une star, mais avant tout une star du poker. » Radio Galaxy, Galaxy, Galaxy News. Eh oui, peut-être un jour, Émilie Dequesne, star tout court du poker, peut-être du côté des stars, côté actrice. On lui souhaite de tout cœur si c'est ce qu'elle veut. La suite, tout en musique, c'est ici et maintenant. C'est encore une nouveauté, très récente. Signée d'une pointure, l'ami Roland Klinenberg avec Good Vibration. On vous les souhaite bien belles, les vibrations. Elles vous amèneront, quoi qu'il arrive, au cap de la demi de l'heure et de l'information culturelle et sportive de proximité. D'ici là, profitez-en, profitez un maximum de la bonne musique intergalactique. homme est un tueur à gages. Il sera animateur radio. Salut tout le monde. Je sais dire ok, yeah, cool, nope, fuck you, bastard. Aujourd'hui, il y a Stéphane. Stéphane Laroche. Oui, j'adore. Oh, c'est génial. Bienvenue, chers amis. Merci de n'avoir été. Merci de n'avoir été. Merci de n'avoir été. Merci de n'avoir été. Merci de n'avoir été. Avec Breakdown the House sur la fréquence 95-30. Quelques informations culturelles de proximité et sportives comme cette randonnée nocturne proposée, la Roll Friday Night. Ce sera le vendredi 4 avril, ça va de soi. Rendez-vous donc place de la République à Lille, c'est à 20h45 pour une première boucle dans Lille même, ou à 21h50 pour un second départ vers l'extérieur de Lille, cette fois-ci avec un beau parcours Lille et Lille, forcément encore Lambersart, Saint-André les Lille, Marquette, Vambrochy, Marc-en-Pareuil, j'en passe, et les meilleurs. Si vous souhaitez en savoir plus, comme toujours, www.roll.asso.fr. À bon entendeur, salut. Autre rendez-vous encore dans un tout autre style, l'office de tourisme de Waterloo qui va vous proposer un nouveau rendez-vous découverte. Il est programmé le vendredi 15 avril 15h avec la visite de l'atelier Val Carton à Villeneuve-d'Ascq. Les inscriptions préalables sont indispensables. À vous composer le 03 20 75 85 86 où vous allez directement vous inscrire à l'office situé, je vous le rappelle, 189 rue Carnot. Arnaud à Waterloo. Festival très tôt, édition 2008, ça va de soi, du 3 au 13 avril sur Tourcoing, une escale au pays de l'enfance, une fenêtre ouverte sur le spectacle vivant, avec au programme donc des contes, de la danse, musique, marionnettes, spectacle, visite guidée et atelier dès 4 ans, renseignements et réservations à partir du 26 mars 03 59 63 43 53. À bon entendeur, salut, toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur... Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. C'est bien ça, merci encore. Tout de suite, la suite avec Sultan, c'est tout nouveau, tout beau, c'est One Day et c'est seulement rien que juste sur Galaxy. Profitez-en. Galaxy Music and News.

scène électronique à toute heure du jour de la nuit sur Galaxy avec l'excellente Nicolette. No Government sur la fréquence 95.3. Ça va, vous êtes d'aplomb et d'attaque. Le moral est bon aujourd'hui. Si tel n'est pas le cas, nous allons vous galvaniser les neurones et les tympans. Galaxy, la seule radio vous proposer entre autres 60 minutes de musique par heure garantie, sans pub et des news en pagaille. Comme s'il en pleuvait des tonnes de nouveautés. Numéro 1 sur les news, c'est Galaxy et rien d'autre avec pas plus tard que tout de suite. Choose Your System, signé Matrix du label Trapstuff, c'est à découvrir ici et maintenant. Vous n'hésitez pas, à tout moment vous pouvez consulter la grille des programmes intergalactiques pour ne rien rater des meilleurs rendez-vous du week-end, de la soirée, de la semaine. Tous nos rendez-vous, c'est galaxyfm.com, rubrique grille des programmes, ou encore, tiens, vous le savez, vous pouvez vous exprimer sur le forum de Galaxy, rien de plus simple, myspace.com, galaxyfm. À bon entendeur, salut. Bref, il y a tout un tas de choses pour que nous restions en contact permanent par l'intermédiaire du web, par l'intermédiaire du téléphone 0320 83 57 57. Bref, l'interactivité avec vous et nous est totale. Et c'est bien comme ça. Direction donc les nouveautés. Radio Galaxy New. You die. days. Happy days. Galaxy. Happy days on Galaxy. I've got this dream, it's deep.